Chapitre 11e. La nature a, de temps en temps, ses insomnies, ses saisons de fièvre et de délire. Il y a des moments où elle semble s'endormir sous les étoiles étincelantes, aussi tranquillement qu'un enfant sous les yeux de sa mère. C'était ainsi qu'elle avait l'air de se reposer ce soir-là. Les ombres du feuillage inquiet se dessinaient comme des estampes sur les sentiers blanchis du jardin. Les fleurs qui descendaient en festons du cintre de la véranda exhalaient silencieusement leurs senteurs embaumées. Seuls les grillons chantaient sous le sol, et de temps à autre, le cri mélancolique de la grue sauvage sortait de la profondeur mystérieuse de la nuit. Ce fut Madame Murray qui rompit le silence. Une sensation qui lui était inconnue lui serrait la gorge. « J'ai à vous demander pardon, monsieur, » balbutia-t-elle. « Vous n'avez jamais voulu me le dire. Au reste, c'était de ma faute peut-être, mais... « Maintenant, je voudrais bien le savoir. Vous êtes ce qu'on appelle fataliste, n'est-ce pas ?» Il est certain que le précepteur comprenait toute la portée de cette question. Elle avait dû bien réfléchir depuis le matin, la pauvre femme, depuis ce moment surtout où elle avait appris si rudement qu'il ne suffit pas d'être membre de l'Église anglicane pour se trouver exempté de l'asservissement universel aux lois de la nature. Mais sa demande était-elle de nature à provoquer une réponse satisfaisante? Ne faisait-elle pas allusion à la question suprême vis-à-vis de laquelle on se trouve dans tous les pays, dans tous les siècles, sous tous les cultes? Au problème qu'on sonde et qu'on sondera toujours, tant qu'il y aura des voix humaines pour adresser en haut leurs prières ou pour jeter au vent leurs blasphèmes. Arthur ne proféra pas une réponse formelle. Mais il se mit à parler de bien des choses qui laissaient deviner peu à peu sa manière de penser. Il se serait bien gardé d'en dire autant il y avait quelques heures. Mais à présent, il ne songeait plus à se taire. Tout lui paraissait changé depuis le matin. Du reste, il fallait justifier son pyrrhonisme auprès de sa petite femme, et quand aurait-il pu trouver une occasion plus favorable? Les étoiles sont toujours prêtes à rendre témoignage de la vérité des lois immuables auxquelles nous sommes assujettis. La nuit dévoile l'avenir que le jour nous cache. Il est probable que les arguments dont Arthur se servit sont usés, bien que Madame Murray y prête à l'oreille. Mais les idées qu'il faisait naître ne sont pas au moins de celles qui s'usent, car tant que l'homme aura un cerveau qui pense aussi bien qu'un cœur qui aime, on n'aura pas dit le dernier mot sur la métaphysique, non plus que sur l'amour. Pendant tout le temps que le précepteur parla, Madame Murray l'écouta sans mot dire. Elle baissait sa jolie tête et semblait regarder les ombres que la lune projetait à ses pieds. À la fin, au moment où Arthur venait de démontrer de la manière la plus logique comment et pourquoi il est raisonnable de croire que nous autres, êtres humains, nous ne sommes que des descendants plus ou moins développés des singes, elle leva lentement la tête et lui demanda d'une voix qui ne ressemblait guère à sa voix ordinaire, tellement elle était devenue suppliante. « Vous voulez donc que je croie que si vous ne m'aviez pas rapporté Bobby ce matin, je l'aurais perdu pour toujours? Est-ce que je l'avais bien vu pour la dernière fois, alors que cette meurtrie disparaissait sous les flots? Vous voulez me dire que, ni ici ni ailleurs, on ne me l'aurait rendu ?» Elle ne pouvait aller plus loin. Elle tremblait déjà à la pensée de ce qu'il pourrait lui répondre. Il ne répondit pas. Il la regardait avec des yeux remplis d'une immense pitié qui envahissait son âme. Alors elle se leva, comme pour secouer le poids d'une idée qui l'oppressait, et alla s'accouder sur la rampe de la véranda. Son œil rêveur plongeait dans la clarté voilée de la nuit, comme si elle eût voulu arracher une réponse au silence mystérieux qui s'y incorporait. Mais rien n'en sortait. Le souffle parfumé des passiflores effleurait seul ses tempes. Elle leva alors les yeux vers le firmament. Les étoiles brillaient d'un éclat froid et dur. Les espaces qui les séparaient semblait s'élargir. Elle promenait son regard sur ces mondes sans bornes, sur ces univers illimités qui l'entouraient, mais pas un seul d'entre eux ne lui envoyait un rayon d'éclaircissement ou d'espoir. Pour la première fois de sa vie, la conscience écrasante de l'infini envahissait son esprit et la faisait défaillir. Si, comme on venait de le lui dire, elle n'était qu'une partie infime de ce grand tout, s'il n'y avait dans la nature que des lois immuables, à quoi bon ses affections, ses soucis, sa tendresse maternelle? S'il était inutile d'adresser ses plaintes et ses vœux à un gardien suprême, où trouverait-elle désormais assez de courage pour vivre? Elle ressemblait à la pauvre femme de l'évangile qui pleurait de ce qu'on lui avait ôté le corps de son maître. Elle demandait où on avait caché son Dieu, car elle leva ses bras vers le ciel avec un geste de désespoir. « Hélas ! S'écria-t-elle, que la vie me fait peur maintenant. Que deviendrai-je ? Qui donc me protégera ? Qui nous prendra en pitié ?» Arthur était à ses côtés lorsqu'elle se retourna. Il croyait voir, dans son regard suppliant, le besoin qu'elle ressentait de sa protection. Pour le moment, il oublia qu'elle avait des terres, et des troupeaux, et des richesses sans fin. Il oublia ses vœux et sa fierté, il oublia tout. Il ne vit plus que sa petite femme, qui cherchait en lui son soutien. Il lui sembla même que son visage avait repris le type enfantin qu'il lui connaissait dans son portrait, et qu'elle était venue, comme il l'avait rêvé tant de fois, chercher un refuge près de lui. Tout à coup, il l'entoura de ses bras et la serra contre son cœur. Elle resta toute tranquille, le front appuyé contre son épaule, mais de sa main chaude, elle chercha la sienne et la porta à ses lèvres. Alors, il l'embrassa sur les cheveux, sur le front, sur les lèvres. Enfin, il la tint toute vivante contre son cœur. « Darling, » lui dit-il tout bas, de sa voix caressante et passionnée. « Darling, darling. » Elle rejeta alors sa tête en arrière, et ses yeux mouillés lui firent tout haut l'aveu de son amour. Il comprit qu'elle venait de lui livrer son âme. « Vous m'aimez donc bien ? » demanda-t-elle. Il lui répondit qu'il l'avait aimée toute sa vie, et comme elle se mit à rire, il tira de sa poche sa miniature. « Voilà, » dit-il en l'ouvrant, « c'est la seule femme que j'ai aimée jusqu'ici, et jamais je n'en aimerai d'autre. » Pendant qu'il parlait, elle regardait le portrait d'un œil jaloux. Il ne lui fallut qu'un instant pour se rassurer. Elle se trouvait bien gentille là-dedans, coiffée en chérubin, avec ses petites boucles dorées autour de ses tempes. Elle avait encore parmi ses reliques ce collier en corail rouge qu'elle avait porté dans son enfance. Cependant, elle ne savait à quoi s'en tenir sur le mystère qui avait valu au précepteur la possession de ce portrait. « Vous me raconterez tout cela ? » lui dit-elle, « car je n'y comprends rien. Êtes-vous sûr toujours de m'aimer autant que mon portrait ? »